هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير والنذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue بحول الله عز وجل avec les règles de tajwid, et on était arrivé au mudud. On avait parlé de al-maqamat et le hukm de al-maqamat. Donc avec une traduction approximative, quand on parle de maqamat, on parle de mélodie. Et ici il y a des gens qui posent des questions depuis ce cours là et qui disent ici comment je peux savoir si je suis rentré dans le maqamat. Donc certains vont rentrer un peu dans le wasawi en se disant peut-être que j'embellis ma voix d'une façon qui n'est pas autorisée. Nous disons la première des choses, c'est qu'il ne faut pas apprendre cette science-là. Ça c'est la première des choses. À partir du moment où tu prends conscience que ça ne fait pas partie de la science de tajwid, de la science religieuse, de la science liée au Coran, à ce moment-là, c'est déjà une première des choses et c'est une des choses les plus importantes. C'est que tu te dis, ce n'est pas une science. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que tu ne l'apprends pas. Donc si tu ne fais pas les causes pour l'apprendre, c'est déjà énorme. Troisième des choses, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'exagération dans ta lecture, tout simplement. D'accord? Donc ici le maqamat, on avait dit que il s'inspirait de certaines mélodies, de certaines notes, de certains chanteurs, de certains chanteuses. Si toi ton but quand tu récites ce n'est pas d'imiter tel chanteur ou telle chanteuse, ou alors de prendre telle mélodie ou tel rythme par rapport à telle musique, à ce moment-là, même si quelquefois ça prête à croire qu'il y a le maqamat, la haraj inshallah ta'ala kama qala al-ulama, parce qu'il y a des gens c'est naturel tout simplement, mais il n'y a pas d'exagération, mais c'est naturel. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah, wallahu a'lam. On avait parlé de Al-Mudud et on avait dit qu'il y avait deux grands titres concernant ici Al-Mudud. Wadih, il y avait Al-Mad Al-Asli et Al-Mad Al-Far'i. D'accord? Donc Al-Mad Al-Asli, ici on va voir toutes les sous-catégories, pareil de Al-Mad ici Al-Far'i ou Maddun Far'iyun. Far'iyun ici, c'est l'allongement spécifique, on va en parler incha'Allah ta'ala. Avant cela, une petite remarque pour avoir un repère concernant les signes qu'on peut retrouver dans le Coran al-Karim qui nous montre ici qu'il y a un mad de deux temps. Ici, dans certains exemplaires du Mus'haf, ces prolongations sont de deux temps. Bien sûr, quand on dit deux temps, c'est quand elles ne sont pas liées à une hamza ou à une sukun. D'accord? Et ils sont signalés par soit un petit alif, soit un petit ya, soit un petit waw. Ça, comme on a dit, il y a plusieurs signes dans le Coran al-Karim, plusieurs indices qui nous facilitent la lecture. Et sur tout cela, ils reviennent énormément. Comme on a dit, soit un petit alif, soit un petit ya, ou soit un petit waw. Et là, on est dans le mad, ici, al-maddul asli. D'accord? C'est-à-dire le mad principal, ou l'allongement principal. On a exemple dans surat al-adiyat, wal-adiyati dhabaha. Donc, vous regardez dans le verset 1, surat al-adiyat. Et on a le verset, wal-adiyati dhabaha. D'accord? Wal-adiyat. Et ici, vous voyez, ici, il y a deux signes qui vous montrent que c'est une prolongation de deux temps. Donc, un trait comme ça et un trait comme ça. Juste après le « aïn » et juste après le « ya », il y a un trait comme ça. Donc, horizontal, vertical, hein, qui nous montre ces deux temps. Donc, quand il y a ce signe-là, vous savez que c'est deux temps. On a dans surat An-Naml, verset 40. D'accord ? Il y a beaucoup d'exemples, hein, mais là, il cite cet exemple-là. « Qala allazi indahu ilm. Qala allazi indahu ilm. Indahu » Ilm, on va pas dire indahu ilm. Non, indahu deux temps. Et ici, ils vont mettre un petit waouh après le ha dans surat An-Naml, verset 40. Clair? Et on a dans surat Al-Adiyat toujours fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi. D'accord? Et ici, ils vont mettre aussi le petit signe. Ça c'est simplement pour vous montrer ici que ici il y a des signes qui vous montrent que c'est deux temps quand vous les voyez. Ici, il faut les mettre en application les deux temps. Et malheureusement, beaucoup font d'erreurs dans les mots d'eau, dans la récitation du Coran, et aussi même dans la prononciation de mots, de vocabulaire, ou quand ils font des phrases dans la langue arabe. On retrouve ça quand on donne par exemple des cours d'arabe. Ici on voit des frères qui se trompent trop, ne serait-ce que pour des petits mots simples. Par exemple, stylo, comment on va le prononcer stylo? Qalamun. Qalamun ou bien qalamun? Ou bien qalamun. Donc vous voyez, plein ils vont dire qalamun, ça je dis pour les débutants, qalamun, ou bien qalamun. Et ça c'est une erreur grave. Et ça, quand la personne fait des erreurs comme ça, ça va se répercuter même dans sa récitation du Coran. Il y a une différence entre qalamun et qalamun, ou bien qalamun. Donc qalamun c'est pas qalamun. Donc quand il y a un med, il faut mettre le med. Quand il n'y a pas, ne mettez pas de med ou de moudoud. Wadih. Donc ici on a le med al-asli qui se décompose en plusieurs, comme on avait dit, catégories. Et donc la première catégorie, on a, et on est dans les deux temps, on a ce qu'on appelle al-maddu tabi'i. D'accord? Al-maddu tabi'i, c'est un allongement naturel. Tabi'i, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelque chose de tabi'i, naturel. Et il appelle l'allongement ici naturel. Clair? Donc ici, il dit, il concerne toutes ou. Qu'est-ce que le mad tabi'i? Et comment se présente-t-il? Il s'agit d'une longue voyelle qui n'est ni suivie et ni précédée. Une longue voyelle, ni suivie et ni précédé d'une hamza, d'accord, ou d'une consonne non vocalisée, sakina, d'accord. Exemple, qala, d'accord, on a la longue voyelle, qala, deux temps, on a yaqulu, et on a qila, donc on a le a, on a yaqulu, et on a qi, avec le ya, qila, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on appelle le mad tabi'i. Et sa longueur, ici, elle équivaut à harakatan. D'accord? À deux temps. Exemple, ici, yumaddu bimiqdari harakatayn mithlu nuhiha. D'accord? Nuhiha. Deux temps. Et on avait dit les deux temps, on les comptait comme ça. Un, deux. Nu. D'accord? Nu. D'accord? Qala. Deux temps comme ça. Qala. D'accord? Donc ici, on a ici deux temps pour cette prolongation. Quand on prend ici la sourate connue, Wal-Asr, donc on retrouve souvent ça. Wal-Asr, innal insan, d'accord? Innal insan lafi khusr, d'accord? Al-insan, donc deux temps. Illa alladhina an, d'accord? Deux temps. Amanu wa amilu salihat. Donc deux temps, d'accord. C'est toujours, on est dans le mad tabi'i, naturel. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Donc ici on a wa tawasaw, on va pas dire wa tawasaw bi, d'accord, wa tawasaw. Donc ici on a wa tawasaw, d'accord. Et tout cela fait partie des mad tabi'i. Wadih. Et ça, ici, on a plusieurs exemples dans le Coran, mais je vais citer simplement quelques exemples. On a ici maddul badal. Donc là, on est toujours dans les deux temps. Ma maddul badal wa ma mithlu. Qu'est-ce que maddul badal et comment se présente-t-il? Il s'agit d'une longue voyelle précédée d'une hamza, par contre. On est toujours dans les deux temps. Là, on est toujours dans les deux temps. On est dans ici al maddul asli. D'accord? On a parlé de madd tabi'i et là, on va parler de maddul badal. D'accord? L'allongement précédé d'une hamza. C'est dès qu'il y a un allongement, mais avant il y a une hamza. Exemple, on va le voir. D'accord? Donc, par exemple, Adam. On a la hamza. Ensuite, on a la prolongation. D'accord? Et on a Dalimim. Adam. Ou bien, Outou. D'accord? Outou. Donc, on a la hamza, Damma. Ensuite, on a la prolongation. Outou. Donc, deux temps. Et on a Imana, i, la hamza, kasra, d'accord, i, et après on a le ya. Donc ça nous indique le ya. Donc normalement c'est deux temps ici, parce que aussi il est précédé d'une hamza. Avant, on parle pas de la hamza après. Imana, d'accord, i, d'accord, imana. Donc ça équivaut à deux voyelles courtes en pause ou en liaison. C'est deux voyelles courtes en pause ou en liaison. Ici, il y a beaucoup d'exemples concernant ce med-là. On a par exemple muttaki'in, muttaki, d'accord, le kaf, le kasra. Après, on a la hamza. Ah, la hamza avant la la prolongation, l'allongement. Muttaki'ina, c'est ce qu'on appelle maddul badal. D'accord? Par exemple, al-Qur'an. On a la hamza. D'accord? Donc il s'agit d'une voyelle précédée d'une hamza. Donc il y a ici la fatha, al-Qur'ana. D'accord? Donc on dit al-Qur'an deux temps. Ru'usihim, ru'usihim. D'accord? Atina, rabbana, atina, fi dunya hasana. Rabbana, atina, deux temps. Tout ça, ça concerne maddu, maddu al-badal. Wadih? On a maddu al-iwad. Maddu al-iwad, c'est l'allongement substitutif. D'accord? Ma ta'rif madd al-iwad, qu'est-ce que c'est que la définition de madd al-iwad? Madd al-iwad, il s'agit de la longue voyelle qui remplace le tanwin. Du cas direct indéfini avant une pause. D'accord? Il s'agit de la longue voyelle qui remplace le tanwin, mais du cas direct indéfini avant une pause. D'accord? Donc c'est une prolongation qui remplace le tanwin, par exemple, ici de fathatan, à la fin d'un verset ou lors d'une pause au milieu d'un verset. Clair? C'est de deux temps. Exemple. Quelquefois, on veut faire une pause, on finit le verset, et on a un tanwin. D'accord? On a un tanwin. Et il y a une voyelle aussi. Donc là, on va avoir par exemple, rafoura. Donc on va voir le trait, on va voir les deux traits au-dessus, donc qui mentionnent ici les deux fathas, mais on va s'arrêter ici. Donc on va pas dire rafouran, non. On prononce pas les dernières voyelles, mais on va dire rafoura. Mais on prolonge de deux temps. Rafoura. On va pas dire rafoura, rafoura, ou bien rafour. Non, parce que là on a deux, on a la prolongation, et en plus on a les deux fathas. Donc ça veut dire que le tanwin on l'enlève, mais les deux temps on les laisse. Rafoura. D'accord? Rahima. On va pas dire rahima. Rahima. D'accord? On va dire shakura. Parce qu'il y a l'allongement et il y a deux fatha. Donc ce qu'on appelle fathatan. Wadih, c'est ce qu'on appelle maddul iwad. Par exemple, wal adiyati dabaha. Dans surat al adiyat. Donc on a dabahan. D'accord? La prolongation plus an. Donc deux fatha, fathatan. Donc là, qu'est-ce qu'on va prononcer? Simplement le A, l'allongement avec deux temps. Wal-adiyati dabaha. D'accord? C'est pas wal-adiyati dabaha. Dabaha. D'accord? Deux temps. C'est ce qu'on appelle maddul iwad, substitutif. D'accord? On a donné l'exemple de, ici, surat al-adiyat. Et il y a beaucoup d'exemples. Hamida, Alima, Karima, d'accord? Afwaja, d'accord? Afwaja. Donc tout ça, ça concerne ce qu'on appelle maddu al-iwad. On a enfin ce qu'on appelle aussi maddu al-sila. Maddu al-sila. Maddu al-sila, c'est un allongement relatif. D'accord? Donc, ici, maddu sila, on va donner des exemples aussi, insha'Allah ta'ala. Donc, ma ta'rif maddi silati wa ma aqasamuhu, ici, que signifie maddu sila et c'est quoi ces différentes formes? Maddu sila, c'est une voyelle, une longue voyelle, liée au pronom affixe ha. Quand vous avez le hu ici, donc c'est lié. D'accord? À la troisième personne du singulier masculin. Afwan, il en existe deux formes. Il y a ce qu'on appelle maddu silati sughra et maddu silati al-kubra. D'accord? Maddu silatin sughra et maddu silatin kubra. Donc on est toujours dans les mots de deux temps là. Donc le petit allongement si on veut relatif et le grand allongement relatif. Le petit allongement, c'est le cas où le pronom affixe n'est pas suivi d'une hamza. D'accord? Exemple. Lahu ma fi. D'accord? Lahu ma fi samawati. D'accord? On a aussi par exemple kitabuhu wara'a dhahrihi. Kitabuhu. Donc on a le hu. D'accord? Et ensuite, on a wara kitabuhu wara. Donc, c'est le cas où le pronom affixe n'est pas suivi d'une hamza. Il n'y a pas de hamza après. D'accord? Cette forme s'apparente à l'allongement principal car la voyelle ne peut-il être allongée au-delà de deux fois une voyelle courte. Clair? Ça, c'est ce qu'on appelle mettre de sila sughra. Et ici, ils mettent, en général, en fin de mot, la lettre hu représente le pronom personnel dhamir de la troisième personne du singulier. Si la lettre ha est précédée d'une lettre portant une sukun ou d'une voyelle longue, donc alif, ya, waw, ya, a, ya, ici, ou que la lettre ha porte une sukun, le temps de la lettre est d'un seul temps. D'accord? Ça, c'est dans d'autres cas. Cette lettre est prolongée de temps lorsqu'elle n'est pas suivie d'une hamza. D'accord? Lorsqu'elle n'est pas suivie d'une hamza. Et amma maddu silatin kubra, c'est le cas où le pronom affixe est suivi d'une hamza. Exemple, maluhu akhlada. D'accord? Maluhu akhlada. C'est le cas où le pronom affixe est suivi d'une hamza. Clair? Et là, ça ressemble à maddu, un autre med qu'on va voir tout de suite après, c'est ce qu'on appelle maddu al-far'i. C'est-à-dire que c'est après le hu, d'accord? On a une hamza. Donc ça veut dire que il reste quand même appelé maddu sila parce que c'est la règle de maddu sila, c'est un hu. Et en général, c'est deux temps, d'accord, d'après la règle. Mais quelquefois, ça se transforme en quatre temps. Et là, à ce moment-là, on peut le considérer où il ressemble à ce qu'on va voir ici et qui rentre dans al-maddu al-far'i. C'est-à-dire tout ce qui est quatre temps ou plus. Parce que celui-là, il prend quatre temps. Donc pour se retrouver, là, on a vu les cas ou ces deux temps, et à partir du moment où vous voyez après la prolongation, l'allongement, une hamza, on passe à quatre temps. D'accord? On passe à quatre temps. Wadih. Et ici, ils mettent dans certains mushaf un indice pour nous retrouver. Soit ils mettent une petite virgule, d'accord? Ou une petite boucle à côté du ha. D'accord? Et ici, pour nous indiquer comme quoi, C'est un prolongement. Et donc on a par exemple فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Donc après dans surat Al-Adiyat, vous allez voir, on est dans Maddu Sila Sughra. Vous allez voir qu'après le Ha, il y a un signe. Ça te montre comme quoi une prolongation de deux temps. فَوَسَطْنَ بِهِ. Et on a أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ. Vous voyez, une toute petite marque aussi, avec, si on veut, une petite dhamma juste après le hu. Ça te montre que c'est deux temps. Et quand tu vois ce hu là avec une prolongation, mais qu'après il y a une hamza, là c'est plus deux temps, ça se transforme en quatre temps. Ça se transforme en quatre temps. Regardez. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle al-maddu al-far'i. Maintenant, on n'est plus dans les deux temps, avec tous les signes qui nous montrent que c'est deux temps. Mais là, on va rentrer dans les prolongations qui sont plus que deux temps. Et ma ta'arif al-madd al-far'i, que signifie le madd far'i? Il s'agit d'une longue voyelle dont la durée excède deux fois une voyelle courte en raison de la présence immédiate d'une hamza ou d'une autre consonne non vocalisée. Ça, c'est les cas où ça va dépasser ce qu'on a vu. On a l'allongement dû à la hamza. Quand il y a un allongement, et c'est dû à la hamza. D'accord? Il en existe deux formes. Donc là, on est dans l'allongement qui sont dus à cause d'une hamza. Donc là, à ce moment-là, il y a deux formes. Il y a la première qui est ce qu'on appelle al-maddul wajibul muttasil, et on a le deuxième al-maddul jaizul munfasil. Al-maddu ici, c'est la prolongation qui est obligatoire si on veut, d'accord, al-wajib al-muttasil, et on a l'autre qui est al-jaiz, permise, al-munfasil. Vous allez voir, on va parler ici de ces deux mots-là, inshallah. On passe dans le premier qui est obligatoire. Al-maddul wajibul muttasil. C'est le cas d'une longue voyelle suivie d'une hamza à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit le muttasil, il est à l'intérieur du même mot. D'accord? Il y a une prolongation, il y a une hamza, mais c'est dans le même mot. Là, ça, on l'appelle al-maddul al-wajibul muttasil. D'accord? Donc, celui-là, dans le même mot, il prend quatre temps. Mathalam, c'est le même mot. Al-malaika. Donc on a al-mala. vous allez voir un signe qui vous montre comme quoi une prolongation. Mais après, il y a la hamza. Et dans certains les courants de couleurs, je sais plus exactement, je crois que c'est rouge, le moyen, vous verrez, mais ils mettent une couleur spécifique pour les quatre temps à chaque fois, pour les deux temps, il a akhir. Donc on a par exemple dans le même mot, al-mala, ensuite on a la hamza. Hop, la hamza, al-mala, le kaf, le tamarbuta, al-malaika. D'accord? C'est dans le même mot. On a su-in, su-in, c'est le même mot, su. Donc su-in, c'est le même mot. On a l'allongement et la hamza dans le même mot. Donc on a ici un quatre temps qui est wajib, obligatoire. Parce qu'il est dans le même mot. C'est ce qu'on appelle al-maddul wajibul muttasil. Wadih. Et cette longueur, elle est quatre fois une voyelle courte. D'accord? Mathalan. Hunafa. D'accord? Jaza'uhum. D'accord? On a par exemple ibtira. On a wassama. Parce qu'il y a une hamza après, c'est le même mot. Wassama. D'accord? Sama'un. C'est le même mot. Wassama. D'accord? On a, mathalan, amma yatasa'alun. Yatasa'alun. C'est le même mot. Quatre temps. Parce que c'est dans le même mot. Donc on l'appelle al-maddu al-wajibul muttasil. Amma si ce n'est pas dans le même mot maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un allongement. Et après l'allongement, il y a la hamza aussi. Mais par contre, la hamza, elle ne fait pas partie du même mot. C'est ce qu'on appelle al-maddul ja'iz al-munfasil. D'accord? Donc ici, ça, c'est le deuxième. Ici, type de cas. C'est lorsque la prolongation est, là, est à la fin d'un mot et que la hamza se trouve au début du mot qui le suit. D'accord? Par exemple, la a'budu ma ta'budun. D'accord? On a la. Ah, le khlas. On passe à un autre mot. Mais on a là la prolongation. La, dû à la hamza. À la base, c'est quatre temps. Mais comme il fait pas partie du même mot, la hamza, c'est ce qu'on appelle al-munfasil. Donc là, il prend plus quatre temps. Mais il prend. On a le choix. On va le voir bi-idhnillahi azza wa jal. Ici, cette voyelle équivaut à quatre ou cinq fois une voyelle courte, principalement quatre fois. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ou quelquefois cinq. Ça dépend, divergence, ça dépend de al-qira'a. Si tu prends hafs, an asim, à ce moment-là, ici, c'est certains avis, ils disent que c'est quatre ou cinq, d'autres, ils disent que c'est que quatre pour certaines récitations, et la akhira. Ala kulli hal, quatre ou quatre ou cinq. Et il est cependant admis de l'allonger seulement deux fois. D'accord? Et ici, à ce moment-là, tout, à chaque fois qu'on a une hamza après la prolongation, mais cette hamza, donc elle intervient dans le début de l'autre mot, on a le choix, deux temps ou quatre temps. Wadih? La a'budu ma ta'budun. Donc j'ai le droit de dire la a'budu ma ta'budun. Deux temps. Wadih? Et certains ne le permettent pas dans certaines lectures, d'accord? Et dans Ash-Shatibiyya, dans le poème de l'imam Shatibi, on a vu Al-Jazariya, ici c'est autre chose, mais dans Shatibi, il le permet. Et ici, là, je parle de Hafs an Asim, d'accord? Ici, ils le permettent. Donc, ici, il n'y a pas de mal de le faire, bien que certains disent que c'est mieux de garder les quatre temps. Ala kulli hal, ça, il y a, sans rentrer dans la divergence, il y a le choix. À partir du moment où on est dans Al-Maddu, d'accord? Ici, qui est Al-Ja'iz, pourquoi? Al-Munfasil. Il n'est pas Al-Muttasil. Al-Muttasil, il est wajib. Quatre temps. Là, on est dans les deux temps. Quatre ans, quatre ou cinq, ou bien deux temps. Surtout ceux qui ont des problèmes de respiration, ou alors de souffle surtout et autres, peuvent utiliser les deux temps. La a'budu ma ta'budun. D'accord? Il y a une différence entre eux. La a'budu. D'accord? La a'budu. Il n'y a pas de prolongation. La a'budu. J'ai fait les deux temps. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. Et la a'budu. Donc, ici, les quatre ou cinq temps. Wadih? Donc, ici, on a cette règle là, d'accord, que je viens de vous citer. Par exemple, on a toubou, on a une prolongation ici, toubou, et ensuite on rentre dans une autre partie. Ça fait plus partie du même mot. Ila, ilallah, ila. Donc là, on rentre dans ici une autre partie. Donc là, on voit que la hamza, elle est dissociée du premier mot. Elle fait pas partie du premier mot. Donc il y a la hamza après la prolongation. Là, on a le choix. Donc soit je dis toubou toubou ilallah ou bien toubou ilallah deux temps. Wadih? C'est clair? Par exemple, bima awhayna. Soit je peux dire bima awhayna ou bien bima awhayna. D'accord? Par exemple, si on prend Oulaika, là c'est dans le même mot, donc je suis obligé de respecter 4 ou 5 temps. Oula, je vais pas dire Oulaika, non c'est le même mot. Oulaika, al-malaika, mais là non, c'est dissocié, donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal de le faire, inshallah ta'ala. Wadih. On a aussi on a ce qu'on appelle al-maddu bi sabab as-sukun. D'accord? Donc c'est un allongement dû à une sukun non vocalisée. Et là, il englobe trois allongements différents. Là, par la cause d'une sukun. Donc, une consonne non vocalisée. On a ce qu'on appelle al-maddu lazim. Al-maddu lazim. C'est un mad ici impératif, obligatoire. Donc ici, il s'agit d'une longue voyelle. Donc on est toujours dans la longue voyelle, on sait qu'on doit prolonger une longue voyelle, suivie d'une consonne renforcée avec une shadda. D'accord? Que ce soit en situation de liaison ou de pause. Exemple, ça, ici, on a plusieurs exemples. Essa-ha. C'est-à-dire, il y a la longue voyelle, mais après, dans la lettre qui va suivre, il y aura une shadda. Donc à ce moment-là, ici, c'est ce qu'on appelle al-maddu lazim. D'accord? On a par exemple dabba. D'accord? On a sur le bas une shadda. Al-maddu lazim. Al-haqqah. D'accord? Citant, on a al-madd lazim. On a waladdali. Donc on a la shadda après, c'est une longue voyelle. Donc ici, on est dans maddu lazim. Et cette voyelle est allongée obligatoirement 6 fois une voyelle courte. D'accord? Selon tous les spécialistes de la récitation du Coran. Wadih, c'est-à-dire que ça doit être 6 temps. Pourquoi? Il y a une longue voyelle et après il y a une shedda dans, ici, la lettre qui va suivre. Donc à ce moment-là, on le prolonge de 6 temps. Ce qu'on appelle maddu lazim. Wadih? On a ce qu'on appelle al-maddu al-arid, al-arid lis-sukun. Donc ici, ce mad-là, c'est le cas où une longue voyelle est suivie d'une consonne non vocalisée à la pause. C'est le cas d'une longue voyelle qui est suivie d'une consonne non vocalisée, mais à la pause. On a la longue voyelle. Elle est suivie d'une consonne non vocalisée, mais on est à la pause. Tu vas t'arrêter. Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord, une longue voyelle. Al-Alamin. D'accord, suivie d'une consonne. D'accord, non vocalisée, mais tu vas t'arrêter. D'accord, tu vas t'arrêter sur le nun. Ici, non vocalisé. Tu vas pas dire Al-Alamina, parce que tu vas t'arrêter Al-Alamin. Et il y a une longue voyelle. Donc là, ce qu'on appelle al-maddu al-arid lis-sukun. Par exemple, ma'ab. Si tu t'arrêtes. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Ici, il y a la prolongation et tu t'arrêtes sur le bim. Une lettre non vocalisée. D'accord? Et tu t'arrêtes à la pause. C'est ce qu'on appelle al-maddu al-arid lis-sukun. Et sa longueur, ici, tu as le choix. Soit tu l'as fait en deux temps, soit tu l'as fait en quatre, et voire jusqu'à six temps. Clair? Cependant, en liaison, faudra revenir à la longueur naturelle. Si tu fais une liaison, tu affiles avec les autres versets, là tu restes naturel. Là, c'est si on s'arrête. Donc à chaque fois que vous avez une voyelle longue et qu'il y a un prolongement qui à la base est de deux temps et que vous allez faire une pause sur une lettre non vocalisée, donc avec sukun, à ce moment-là, soit vous faites deux temps, soit quatre temps ou soit six temps. Donc, soit tu vas dire الحمد لله رب العالمين de temps ou bien العالمين 4 temps ou bien العالمين 6 temps واضح 2 4 ou jusqu'à 5 6 temps clair. Et ici les savants disent que par contre quand tu l'utilises ça il faut que tu restes pareil, essaie d'être constant dans cette pratique là pour tous les versets que tu vas suivre à la suite. Par exemple, tu vas pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Donc si tu pars sur 2, reste sur 2. Si tu pars sur 4, reste sur 4 ans. Si tu pars sur plus jusqu'à 6 ans, reste sur les 6 ans. Wadih. On a Maddullin. D'accord, Maddullin. Ici ce Madd là, d'accord, Maddullin هو أن يأتي واو أو ياء ساكنين وقبلهم مفتوح مثل خوف عليه شيء. Ça c'est le cas, d'accord, où on a après la prolongation, d'accord, parce que là ils utilisent des termes qui sont un peu en français, je prends un autre terme, une autre explication. C'est lorsqu'on s'arrête sur un mot dont l'avant-dernière lettre, l'avant-dernière lettre, c'est un waou ou bien un ya qui porte une sukun et qui est précédé par une fatha. D'accord? On peut alors prolonger ce waou ou ce ya, on est dans le waou ou dans le ya, dans les deux choses. Et on est toujours en fin de mot maintenant. C'est-à-dire, il va y avoir une pause, tu vas t'arrêter. Il y a un waou, il y a un ya, on sait pour le waou et le ya. Donc, on peut le prolonger ce waou, soit de 2, soit de 4, soit de 6 temps. D'accord? Selon le mode de lecture. Si tu pars dans 2 temps, reste dans les 2 temps. Si tu pars dans 4 temps, reste dans les 4 temps. Si tu pars dans les 6 temps, dans ta lecture, dans les précédents versets, c'est mieux de rester dans les 6 temps. Clair? Et ici, 2 temps pour une récitation rapide, 4 temps pour une vitesse moyenne et 6 temps pour une récitation lente. C'est lorsqu'on s'arrête sur un mot dont l'avant-dernière lettre est un wa ou un ya. Exemple. Vous prenez dans Sourate Quraysh, verset 1, on a l'ilafi Quraysh. D'accord? Donc ici on a la fatha avant le ya. Et ensuite, on va s'arrêter sur une lettre avec sukun et on va s'arrêter sur ce mot-là. Clair? Il y a le A, al-fatha avant le ya. Clair? Et on a dit c'est lorsqu'on s'arrête sur un mot dont l'avant-dernière lettre c'est un waou ou bien un ya qui porte une sukun et qui est précédé par une fatha. Donc là, on a l'avant-dernière lettre dans l'ilafi Quraysh. C'est quoi? C'est un ya. Et la lettre qui est avant, c'est un a, une fatha. Elle porte une fatha. Donc là, on va appliquer la règle, ce qu'on appelle maddullin. Soit 2 temps, soit 4 temps, soit 6 temps. Soit on va dire l'ilafi Quraysh, 2 temps. Ou j'ai droit de dire l'ilafi Quraysh, 4 temps. Ou j'ai droit de dire l'ilafi Quraysh. D'accord? Ça c'est surtout pour ceux qui vont réciter très lentement. Mais les trois manières sont autorisées. Et ça c'est spécifique au ya et au waou quand ils sont l'avant-dernière lettre et que la lettre qui les précède, elle porte une fatha. On a l'exemple de l'ilafi Quraysh, on a l'exemple de khawf, on a le fa, avant-dernière lettre, waouh, on est dans les waouh ou dans les ya. Clair? Et avant, on a une fatha, kha, khawf, khawf, khawf. D'accord? On a alay. D'accord, alay, soit on fait 2 temps, alay, ou bien alay, ou bien 6 temps. D'accord? Pareil, shay. D'accord? Donc on va pas dire shay, s'arrêter comme ça. Non, shay. D'accord? Par exemple, takadu tamayyazu min al-ghayr. D'accord? On a al-ghayr. D'accord, on a le dha à la fin. On a l'avant-dernière lettre, c'est quoi? Ya. Et la lettre qui précède, c'est quoi? Elle porte une fatha. Donc on va pas dire تكاد تميز من الغيظ. Non, تكاد تميز من الغيظ. De temps ou bien من الغيظ. Ça dépend de la lecture. De temps ou quatre temps ou six temps. واضح. Ça, c'est ce qu'on appelle مد اللين. واضح. Donc ici on a vu les إيلاف قريش. Pareil. إيلافهم رحلة الشتاء. Si on prend الشتاء, donc c'est quoi? Quatre temps ou pas? رحلة الشتاء والصيف. شتاء. Quatre temps. Pourquoi? Là. Elle est dans le mot, la Hamza. شتاء. شتاءٌ. شتاء. C'est مد الواجب المتصل. Parce qu'il est dans le même mot. On a dit le même mot, la hamza, après la voyelle longue, c'est quatre temps. المنفصل, c'est quand c'est séparé. Donc on va dire شتاء. Faut pas se tromper, hein. Et vers deux temps quand tu es obligé de faire quatre temps. شتاء وص. Donc شدة وصيف. Là, pareil. On a la fatha, avant dernière lettre c'est le ya, et on a dit que c'est que avec le ya ou le waouh. Et on fait deux temps, quatre temps, pareil. Ou six temps. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Pareil. Deux, quatre, six. D'accord? الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Deux temps, quatre temps, six temps. خَوْف. واضح? Ça, c'est ce qu'on appelle مَدُّ اللين. Clair? واضح. Donc ça c'est concernant les moudoud. Et les moudoud, il faut simplement faire attention de les respecter à chaque fois. Une petite règle concernant les moudoud, mais ça. On a ici la règle qui est aussi, et là on sort des moudoud. Mais bon, si on commence après... Parce qu'il nous reste Al-Qalqala. Al-Qalqalatu. Et il nous reste l'Urra. Donc toutes les règles du Ra. Ah oui, il nous reste aussi tout ce qui concerne les pauses. Donc khlas. On va laisser la Qalqala et l'Urra pour, bi'ibnillah, si tout se passe bien, pour demain, Inch'Allah. Et comme ça, il nous restera... Encore un cours, donc il nous reste bi'idhnillah deux cours pour achever cette série-là, inshallah ta'ala. Demain, on fait al-qalqala et les règles du ra, toutes les règles du ra, et on terminera avec toutes les règles des pauses et des arrêts. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا